jouer avec, mais on est en train de répartir les instruments. On est vraiment collé contre le bord du plateau. Et là, t'as déjà l'air super bien. Là, j'attends le bon ici, un peu la disposition. Il y a plein de micros sur le matériel du batteur et tout ça. Je vais faire gentiment un petit soundcheck. C'est un peu différent des autres lives qu'il y a d'habitude parce qu'il y a beaucoup de micros pour une fois. Donc sur l'Acousmanium, c'est assez particulier à disperser, mais c'est justement intéressant d'avoir un truc un peu différent. Donc, pas une pièce déjà faite, quoi. Et plus une performance live où on va venir placer les éléments dans l'espace, en live, quoi. Pas mal de rigueur, on va dire, sur où est-ce qu'on met quoi, parce que du coup on a quand même à peu près 50 haut-parleurs, enfin 70 haut-parleurs en tout, et de se mélanger les pinceaux en fait entre les 12 micros qu'on a plus les 70 haut-parleurs, ne pas oublier qu'on a mis ça là ou ça là, donc ça veut dire qu'on doit mettre des protocoles en place pour que ce soit assez clair, quoi. Et ces protocoles sont assez compliqués à mettre en place aussi. Mais après, c'est plus simple pour nous de jouer avec, de placer tout d'un coup des choses à certains endroits. Du coup, on est obligé un petit peu de dire voilà, telle sonorité va rester dans cette zone-là ou cette zone-là. On n'a pas toutes les possibilités non plus sous la main en live. Donc on est obligé d'avoir de la rigueur, quoi, sur ce qu'on décide en amont, quoi. Voilà, c'est un truc qu'on va voir justement après, ce qui est possible à faire, ce qui est intéressant à mettre en fait, parce qu'on ne sait pas encore. On n'a pas entendu les instruments vraiment. Donc, ouais, enfin ça fait un cercle. C'est quoi le travail de la prévision? La contrainte, ça fait un cercle. Pour pouvoir commencer ici. Et puis, par contre, on les met, tu les aimerais où? Ah, attends. Dans la face? C'était ça qu'on s'était fait? Ouais, ça marche. Mais on est d'accord que si on fait ça, ta face, tu n'as rien d'autre dedans? Ouais. La face est que pour le que c'est des micros. Ok. Ça marche. Donc, par contre, le SOC, tu peux l'accéder. Oui, le SOC, tu peux amener partout. J'ai laissé sur un autre screen. Ah ouais, c'est pour amener chacun la face. Ouais, je le sens. On est d'accord que si on fait ça, ta face, tu mets rien d'autre dedans. Ouais. La face est que pour le que c'est des micros. Ok. Par contre, le SOC, tu peux l'accéder. Oui, le SOC, tu peux amener partout. J'ai laissé sur un aux. C'est encore un aux plus loin. Tu pourras mettre chacun des micros dans le SOC. Il faut que je prenne le patch d'entrée de la face. Donc, la face, c'est où? Ici. Face, c'est dans le T17, dans le T18. Je vais passer ici. Moi, je dirais que la première compétence que ça demande, c'est pas tellement les connaissances techniques que, par exemple, qui sont indispensables pour installer ou faire fonctionner cet instrument, mais c'est plutôt la disponibilité à l'écoute, c'est-à-dire d'entendre vraiment ce qui est en train de se passer et sans être trop pris dans des questions techniques, toujours se laisser suffisamment de temps et suffisamment de place pour être disponible avec les oreilles. Thank you. être ce qu'on entend réellement et ce qu'on imagine entendre. Il y a une grande différence entre être ce qu'on entend réellement et ce qu'on imagine entendre. Il y a une grande entre être ce qu'on entend réellement et ce qu'on imagine entendre. Il y a une grande différence. Je dirais que le travail principal, il se situe là. C'est pas extrêmement complexe, on n'a pas besoin d'un brevet de pilote. Disons, si on arrive à assez bien relier ses oreilles avec les potentiomètres, et puis qu'on n'est pas juste en train de faire des mouvements dans le vide, et qu'on entend ce qu'on fait, c'est pas sorcier, ça demande pas la même virtuosité qu'un piano, ou encore moins qu'un violon, qui est encore beaucoup plus difficile. Après, on peut développer des petites techniques comme ça pour avoir des trucs dans les doigts, mais je pense que c'est surtout un travail d'écoute et d'écoute sur le moment même. Jouer sur des orchestres de haut-parleurs, mais à partir d'une pratique plutôt des arts sonores et installations, même plutôt des études. J'ai fait des études à l'école des beaux-arts. Je me suis retrouvée à faire des choses en multidiffusion, multicanal, pas forcément des performances live, mais aussi des installations, etc. Et petit à petit, en fait, en rencontrant des gens, je me suis toujours intéressée, en tout cas, je ne voulais pas que quelqu'un fasse les choses à ma place, parce que pour moi, c'est quelque chose qui conditionne, en fait, le projet dès le départ. Pour moi, c'est important de savoir comment on peut mettre en place quelque chose, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible. Ça ne m'intéresse pas du tout d'imaginer des choses qui ne sont pas ensuite pas possibles à réaliser. Qui oui, ressemble à une paire de fesses. Compliqué à réaliser, je trouve que la contrainte des années 80, et puis des vieux haut-parleurs de Sono aussi des années 80 que Acer avait fabriqué, une boîte de sonorisation d'ici de Genève à l'époque où en fait les gens fabriquaient encore les haut-parleurs et n'en achetaient pas des usines qui fabriquaient les choses élément par élément, et puis des choses modernes comme on trouve un peu la même chose qu'il y a dans la grande salle ici en bas. Et des choses bricolées maison. On a fabriqué des guirlandes, comme des guirlandes de Noël ou des guirlandes lumineuses qu'on aurait à une fête au-dessus de nos têtes. Mais au lieu d'avoir des ampoules, ce sont des petits haut-parleurs piezo qui sont aussi dans un guidon en plastique, un petit pavillon en plastique, et il y en a 16 sur chaque guirlande. On pose ça au-dessus de la tête du public et ça apporte un peu de présence dans le registre très aigu. Vraiment au-dessus de 5 kHz ou quelque chose comme ça, ça c'est pour les sons qui font et pas pour les graves, pas pour les médiums. Peut-être pas la sensibilité. On a des trompettes aussi, le genre de haut-parleurs qu'on trouverait dans des gares pour des annonces qui sont des haut-parleurs où il n'y a pas de grave et pas d'aigu. Il faut que ce soit quand même des gens qui ont ces sensibilités-là. J'essaie de caricaturer un peu. Et puis en fait, ceux-là, comme les piezos, ces trompettes, on s'en sert un peu comme d'épices ou comme de sel ou de poivre pour rajouter. En fait, je suis artiste, mais je suis aussi technicien dans l'art contemporain. Et je pense que je ne pourrais pas être technicien si je n'avais pas la sensibilité dans l'art aussi. Donc, c'est des formes d'art qui, à mon avis, sont assez expérimental, ce qui fait que il faut quand même qu'il y ait un rapport à la technique sensible, je pense. Bah là, ce soir, c'est Félicité qui va jouer du coup sur le dispositif, donc elle va jouer ses propres pièces, elle va diffuser elle-même sa pièce. C'est vrai que parfois, on a, comme hier, où c'était un batteur qui était sur scène, qui a été du coup diffusé par un ingénieur son, du coup aussi un autre artiste ingénieur son. Et en fait, on regarde avec les artistes s'ils veulent se diffuser eux-mêmes. Nous, on diffuse aussi des pièces d'artistes, ce qui va être le cas aussi ce soir pour moi, qui va diffuser une pièce de Pita. Donc, du coup, on est aussi interprète. C'est que déjà, je ne suis pas un ingénieur. Mais par contre, on peut dire que je suis un animal du son. Je travaille avec les sons. Je travaille souvent avec les sons des autres, que je fais entendre. Des fois, je peux faire simplement, c'est pas si simple, mais de la sonorisation avec un groupe qui va jouer, puis dans un certain espace ou dehors ou je sais pas quoi. Je vais parfois concevoir le dispositif pour qu'on puisse entendre, choisir les haut-parleurs, les déployer, puis après poser des micros sur scène, faire une balance avec les musiciens, puis ensuite faire le son au moment du concert. Parfois, c'est... Par exemple, si je prends un cas de figure un peu plus particulier, samedi, ici à Archipel, il y avait un duo avec une chanteuse, mais qui passe dans son ordi et qui a beaucoup de transformations sur la voix. Un contrebassiste qui utilise un petit peu la voix, sans transformation, mais qui m'envoie sa contrebasse. Et encore, depuis son ordi, une piste stéréophonique, deux canaux, comme un CD, avec des sons préenregistrés. Et tout ça passe à l'intérieur du dispositif que j'ai partiellement décrit tout à l'heure, l'acousmanium de la Meg. Et puis, j'ai improvisé avec eux. On a fait 2 fois 3 heures de répétition. On a choisi des moments de passage obligés où on s'est dit « Ouais, ça, c'est bien que ça sonne comme ça. » Et puis après, au milieu, on a improvisé. Eux ont improvisé ce qui générait. Et puis moi, j'ai improvisé les endroits où je faisais sortir les sons. Thierry Simoneau, Antoine Siron. Olga Kokcharova. Archi Radio. La radio du festival Archipel. En direct de 10h à midi sur archipel.org.